Chapitre 51. L'espoir en Allah. Allah Ta'ala dit: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le clément, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Sourate 34, verset 17. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Sourate 20, verset 48. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Sourate 7, verset 156. 412. D'après Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah seul, sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il insuffla à Marie et un esprit venant de lui, et que le paradis et l'enfer existent, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, Allah lui interdira l'enfer. 413. Selon Abu Dharr, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah azza wa jal dit: quiconque accomplit une bonne action obtiendra 10 fois sa récompense et plus encore. Quiconque commet une mauvaise action aura un seul péché à sa charge que je peux pardonner. Quiconque s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée, et quiconque s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Quiconque se dirige vers moi en marchant, je me dirige vers lui avec empressement. Et quiconque me rencontre après la mort avec le contenu de la terre comme péché, mais sans rien m'associer, je l'accueille avec son contenu en pardon. Muslim. 414. Selon Jabir, radiyallahu anhu, un bédouin se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce qui fait entrer au paradis ou en enfer? Il, alayhi salatu wassalam, répondit: quiconque meurt sans rien associer à Allah entrera au paradis, et quiconque meurt en lui associant une autre divinité ira en enfer. Muslim. 415. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, interpella Mu'adh qui était en croupe derrière lui. Ô Mu'adh, me voilà accourant à ton service, ô messager d'Allah, répondit-il. Ô Mu'adh, répéta le prophète, me voilà accourant à ton service, ô messager d'Allah, répondit-il. Ô Mu'adh, dit-il à nouveau, me voilà accourant à ton service, ô messager d'Allah, répondit-il pour la troisième fois. Nul adorateur d'Allah n'atteste sincèrement qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est son serviteur et messager sans qu'Allah ne l'interdise à l'enfer. Ô messager d'Allah, puis-je en informer les gens afin qu'ils s'en réjouissent? Demanda Mu'adh. Non, car ils se reposeraient sur cela et cesseraient d'agir. Peu avant sa mort, Mu'adh annonça cette bonne nouvelle de crainte de commettre un péché pour avoir dissimulé un savoir religieux. Al-Bukhari et Muslim. 416. Abu Huraira ou Abu Sa'id al-Khudri, le narrateur a un doute, mais le doute ne nuit pas lorsqu'il s'agit de compagnons, car tous sont fiables. Rapporte, au cours de la bataille de Tabouk, les gens ont souffert de la faim. Ils dirent: ô messager d'Allah, si seulement tu nous permettais d'égorger nos chameaux, ceux chargés du transport de l'eau, nous pourrions manger leur viande et utiliser leur graisse. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, y consentit. Arriva alors Omar, radiyallahu anhu, en disant: Ô messager d'Allah, si tu les laisses faire, nous manquerons de monture. Demande-leur plutôt d'apporter le reste de leur provision et implore Allah de le bénir, peut-être qu'il y fera descendre sa bénédiction. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accepta. Il demanda qu'on apporte un tapis en cuir qu'il étala et sur lequel il fit poser le reste des provisions. L'un d'eux apporta une poignée de maïs, un autre une poignée de dattes, un autre encore un morceau de pain, ce qui au final ne donna qu'un petit tas de nourriture. Le messager d'Allah implora alors la bénédiction d'Allah, puis leur dit « Remplissez vos sacs de provisions ». Ils se mirent alors à les remplir jusqu'à ce que tous les sacs du camp soient pleins. Ils mangèrent à leur faim et malgré cela, il en resta encore. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. Quiconque rencontre Allah sans douter de cela ne peut se voir interdire l'accès au paradis. » Muslim. 417. Itban ibn Malik, radiyallahu anhu, l'un des participants à la bataille de Badr, rapporte. J'étais celui qui dirigeait la prière en commun dans mon clan, les Bani Salim. Sur mon chemin vers la mosquée se trouvait un oued qu'il m'était pénible de traverser par temps de pluie. J'allais trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en lui disant « Ma vue s'est affaiblie, et quand il pleut, l'eau ruisselle dans l'oued qui me sépare de mon clan, me rendant sa traversée difficile. J'aimerais que tu viennes chez moi prier à un endroit qui deviendrait mon lieu de prière. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accepta. Le lendemain matin, lorsque le soleil fut bien haut dans le ciel, il se présenta chez moi accompagné d'Abu Bakr et demanda la permission d'entrer. Je la lui accordai. Avant même de s'asseoir, il demanda « Où veux-tu que je prie ?» Je lui indiquai l'endroit. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tint debout et prononça le takbir « Allahu Akbar ». Nous nous alignâmes derrière lui. Il pria deux raka'at, puis prononça le taslim, salutation qui marque la fin de la prière, ce que nous fîmes à notre tour. Je l'invitai à manger une khazira, mélange de semoule et de graisse, qu'on lui préparait. Les gens du quartier, informés de la présence du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se rassemblèrent en nombre chez moi. L'un d'eux dit « Où est Malik? Je ne le vois pas. » Un autre répondit « C'est un hypocrite qui n'aime ni Allah ni son messager. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répliqua « Ne dis pas cela. Ne sais-tu pas qu'il a dit « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, recherchant en cela le visage d'Allah Ta'ala ?» L'homme répondit « Allah et son messager le savent mieux. Quant à nous, par Allah, nous ne le voyons montrer son affection et ne parler qu'aux hypocrites. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors « Allah interdit à l'enfer celui qui dit « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, recherchant en cela le visage d'Allah. » Al-Bukhari et Muslim. 418. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, arriva avec un groupe de captifs. Soudain, une captive se mit à la recherche de quelque chose. Elle trouva finalement un enfant au milieu des captifs qu'elle prit dans ses bras, puis allaita. Voyant cela, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Est-ce que vous pourriez imaginer cette femme en train de jeter son enfant dans le feu ?» Nous répondîmes « Non, par Allah !» Il, alayhi salatu wassalam, dit « Certes, Allah est plus miséricordieux envers ses créatures que cette femme envers son enfant. » Al-Bukhari et Muslim. 419. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque Allah créa la création, il écrivit dans un livre qui se trouve auprès de lui au-dessus du trône « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » Dans une autre version, « l'a emporté sur ma colère. » Dans une autre version encore, « a devancé ma colère. » Al-Bukhari et Muslim. 420. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Allah a divisé la miséricorde en 100 parties. Il en a gardé 99 auprès de lui et en a fait descendre une seule sur la terre par laquelle les créatures éprouvent de la tendresse les unes pour les autres, comme l'animal qui lève son sabot de crainte d'écraser son petit. Dans une autre version, Allah Ta'ala a sans miséricorde. Il en fit descendre une seule qu'il répartit entre les djinns, les hommes, les animaux et les insectes et par laquelle ceux-ci éprouvent de la tendresse les uns pour les autres à l'image de l'animal sauvage pour son petit. Et Allah Ta'ala s'est réservé 99 miséricordes dont il fera bénéficier ses créatures le jour de la résurrection. Al-Bukhari et Muslim. Le hadith est également rapporté par Muslim d'après Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, selon lequel le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit « Allah Ta'ala a 100 miséricordes, une par laquelle ses créatures éprouvent de la tendresse les unes pour les autres, et 99 qu'il réserve pour le jour de la résurrection. » Dans une autre version encore, le jour où Allah Ta'ala créa les cieux et la terre, il créa également 100 miséricordes, chacune pouvant remplir l'espace compris entre le ciel et la terre. Il en fit descendre une sur la terre par laquelle la mère s'attendrait sur son enfant, où les animaux sauvages et les oiseaux ont pitié les uns des autres. Puis, le jour de la résurrection, il complétera les 99 miséricordes restées auprès de lui par cette miséricorde-là. 421. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ce qu'il rapporte de son Seigneur, glorifié soit-il, a dit « Quelqu'un commit un péché, puis dit « Ô Allah, absous mon péché !» Allah, glorifié soit-il, dit « Mon serviteur a commis un péché et a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne et sanctionne les péchés. » Puis il commit un autre péché et dit « Ô mon Seigneur, absous mon péché. » Allah Ta'ala dit, « Mon serviteur a commis un péché et a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne et sanctionne les péchés. » Puis il commit à nouveau un péché et dit, « Ô mon Seigneur, absous mon péché. » Allah Ta'ala dit, « Mon serviteur a commis un péché et a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne et sanctionne les péchés. J'ai pardonné à mon serviteur, qu'il fasse donc ce qu'il veut. » Al-Bukhari et Muslim. 422. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous ferait disparaître, puis vous remplacerait par des gens qui commettraient des péchés et demanderaient à Allah Ta'ala de leur pardonner et il leur pardonnerait. » Muslim. 423. Abu Ayyub Khalid ibn Zayd, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Si vous ne commettiez pas de péché, Allah créerait des gens qui en commettraient, puis implorerait son pardon et auxquels il pardonnerait. » Muslim. 424. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte « Nous étions assis avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au milieu d'un groupe comprenant entre autres Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se leva puis s'absenta si longuement que nous craignîmes, moi en premier, qu'il fût enlevé à notre insu. Nous nous levâmes et je partis à la recherche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. J'arrivai près d'un jardin appartenant aux Ansar. Puis il cita, c'est-à-dire Abu Huraira, le long hadith jusqu'aux paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Va et annonce le paradis à tous ceux que tu rencontres derrière ce jardin attestant sincèrement qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. » Muslim. 425. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam récita les paroles d'Allah azza wa jal concernant Abraham alayhi salam qui a dit « Ô Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. » c'est-à-dire les idoles. « Quiconque me suit est des miens. » Sourate 14, verset 36. Et Jésus, alayhi salam, qui a dit « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi, le puissant, le sage. » Sourate 5, verset 118. Puis il, alayhi salatu wassalam, leva les mains au ciel en disant « Ô Allah, ma nation, ma nation !» et il pleura. Allah Azza wa Jal dit alors, « Ô Gabriel, va voir Muhammad, bien que ton Seigneur soit plus savant, et demande-lui ce qu'il le fait pleurer. » L'ange Gabriel se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui l'informa de ce qu'il avait dit, bien qu'Allah soit plus savant. Allah Ta'ala dit, « Ô Gabriel, va trouver Muhammad et dis-lui, tu seras pleinement satisfait de ce que nous réservons à ta nation et tu ne seras point lésé. » Muslim. 426. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, rapporte. Alors que j'étais en croupe sur un âne derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, il m'interrogea. « Ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit de ses serviteurs sur lui ?» Je répondis, « Allah et son messager le savent mieux. » Il dit, « Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer dans leur adoration. Et le droit de ses serviteurs sur lui est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui donne aucun associé. » Je dis, « Ô messager d'Allah, puis-je annoncer la nouvelle aux gens ?» Non, car ils se reposeraient sur cela et cesseraient d'agir, dit-il, alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari et Muslim. 427. D'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque le musulman est interrogé dans sa tombe par les anges et qu'il atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, cela correspond aux paroles d'Allah Ta'ala. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. » Sourate 14, verset 27. Al-Bukhari et Muslim. 428. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Chaque fois que le mécréant accomplit une bonne action, un bien de ce monde lui est accordé en récompense, à la différence du croyant dont Allah ajourne la récompense. Il la lui attribue dans l'au-delà tout en lui octroyant sa subsistance ici-bas, en récompense de son acte d'obéissance. » Dans une autre version, Allah n'est nullement injuste envers le croyant, lui accordant un bien de ce monde en rétribution de sa bonne action et l'en récompensant par ailleurs dans l'au-delà. Quant au mécréant, il obtiendra son salaire ici-bas pour chaque bonne action accomplie pour Allah Ta'ala, si bien qu'il ne lui restera dans l'au-delà aucune bonne action pour laquelle il puisse être récompensé. Muslim. 429. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les cinq prières quotidiennes sont à l'image d'une rivière coulant à flot devant la porte de l'un d'entre vous et dans laquelle il se lave cinq fois par jour. » Muslim. 430. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Il n'y a pas un groupe d'au moins 40 hommes n'associant rien à Allah dans leur adoration qui ne prie sur la dépouille d'un musulman sans qu'Allah accepte leur intercession en sa faveur en lui pardonnant. » Muslim. 431. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte « Nous étions une quarantaine de personnes sous une tente avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous demanda « Seriez-vous, c'est-à-dire les musulmans, satisfaits de constituer le quart des habitants du paradis ?» Nous dîmes « Oui ». Il dit alors « Seriez-vous satisfaits de constituer le tiers des habitants du paradis ?» Nous répondîmes à nouveau « Oui ». Il dit « Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, j'espère que vous formerez la moitié des habitants du paradis, car seule une âme soumise à Allah pourra y entrer. » Et vous n'êtes au milieu des polythéistes que comme un poil blanc sur la peau d'un bœuf noir ou un poil noir sur la peau d'un bœuf roux. Al-Bukhari et Muslim. 432. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le jour de la résurrection, Allah poussera vers chaque musulman un juif ou un chrétien et dira « Celui-ci est ton rachat de l'enfer. » Dans une autre version d'Abu Musa al-Ash'ari, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Le jour de la résurrection, des musulmans viendront chargés de péchés de la taille des montagnes, mais qu'Allah leur effacera. » Muslim. L'expression « Allah poussera vers chaque musulman un juif ou un chrétien et dira « Celui-ci est ton rachat de l'enfer » a le même sens que le hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu « À chacun est assigné une place au paradis et en enfer. » Lorsqu'un croyant entre au paradis, un mécréant, pour ne pas avoir cru en Allah, prend sa place en enfer. Quant au mot « rachat », il signifie qu'il, c'est-à-dire le croyant, était susceptible d'entrer en enfer, mais que celui-ci, le mécréant, l'en a affranchi, car Allah a destiné à l'enfer un nombre déterminé de damnés pour le remplir. En y entrant à cause de leurs péchés et de leur incroyance, les mécréants évitent aux croyants d'y être jetés. 433. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Le jour de la résurrection, on approchera le croyant de son Seigneur si bien qu'il sera sous sa protection, enveloppé de sa miséricorde. Allah lui fera avouer ses péchés en lui disant « Reconnais-tu tel et tel péché ?» Il dira « Seigneur, je les reconnais. » Allah dira alors « Je les avais dissimulés dans le bas-monde et je te les efface aujourd'hui. » On lui tendra alors le livre de ses bonnes actions. Al-Bukhari et Muslim. 434. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un homme embrassa une femme, puis en informa le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala révéla alors ce verset. « Et accomplis la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. » Sourate 11, verset 114. L'homme demanda alors, « Cela s'applique-t-il à moi seul, ô messager d'Allah ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit, « Non, mais à l'ensemble de ma nation. » Al-Bukhari et Muslim. 435. Selon Anas, radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit, « Ô messager d'Allah, j'ai transgressé l'un des hadds, l'une des lois d'Allah. Applique-moi la sentence imposée par le livre d'Allah. « As-tu prié avec nous ?» demanda-t-il, alayhi salatu wassalam. « Oui, dit-il. Tu as alors été pardonné, conclut-il, sallallahu alayhi wa sallam. » Al-Bukhari et Muslim. 436. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah est satisfait de son adorateur qui, lorsqu'il prend un repas ou boit quelque chose, loue Allah pour avoir mangé et bu. » Muslim. 437. D'après Abu Moussa, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah Ta'ala tend sa main la nuit aux pécheurs du jour pour qu'ils se repentent, et il tend sa main le jour aux pécheurs de la nuit pour qu'ils se repentent, et ceci jusqu'au jour où le soleil se lèvera à l'ouest, à la fin du monde. » Muslim. 438. Abu Najih Amr ibn Abasa al-Salami, radiyallahu anhu, rapporte « Je pensais, et ce même avant l'islam dans la Jahiliya, que les gens étaient égarés et que leur adoration des idoles était sans fondement. J'entendis ensuite parler d'un homme à la Mecque qui enseignait aux gens. J'enfourchai alors ma monture et me dirigeai vers lui. C'était le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il agissait en secret car les siens le persécutaient. Je me rendis discrètement chez lui à la Mecque et l'interrogeai. « Qui es-tu ? » « Un prophète, » répondit-il. « Qu'est-ce qu'un prophète ? » dis-je. « Allah m'a envoyé, » expliqua-t-il. « Avec quel message ? » « Avec l'ordre de respecter les liens du sang, de briser les idoles et d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. « Qui te suit en cela ? » « Un homme libre et un esclave, » dit-il. À cette époque, seul Abu Bakr et Bilal le suivaient. « Je veux te suivre, » dis-je. « Tu ne peux pas aujourd'hui. Ne vois-tu pas ma situation par rapport aux gens ? Retourne pour le moment chez les tiens, puis lorsque tu entendras que j'ai pris le dessus, viens me voir. » Amr poursuivit. Je revins chez les miens, puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, émigra à Médine. Je m'informai régulièrement sur sa situation en interrogeant les gens, jusqu'au moment où des personnes de ma famille se rendirent à Médine. Je leur demandai « Que fait cet homme qui est arrivé à Médine ?» Ils dirent « Les gens accourent vers lui alors que son peuple avait essayé en vain de l'assassiner. » Je pris alors la route de Médine et me rendis chez lui. Une fois devant, je dis « Ô messager d'Allah, me reconnais-tu ? » « Oui, dit-il, tu es celui qui m'a rencontré à la Mecque. » « Ô messager d'Allah, apprends-moi ce qu'Allah t'a enseigné et que j'ignore. Parle-moi de la salat. » Accomplis la salat de l'aube, subh, puis cesse de prier jusqu'à ce que le soleil se soit levé à l'horizon de la hauteur d'une lance, car il se lève entre les cornes de Satan, et c'est à ce moment-là que se prosternent devant lui les mécréants. Prie ensuite, car la salat a des témoins, les anges, et ceci jusqu'à ce que l'ombre d'une lance plantée dans le sol soit la plus courte possible. Puis, abstiens-toi de prier, car à cet instant, l'enfer s'embrase. Lorsque l'ombre apparaît après midi, prie de nouveau, car la salat a alors des témoins, les anges, et ceci jusqu'à la salat de l'après-midi, al-asr. Puis cesse de prier jusqu'au coucher du soleil, car il se couche entre les cornes de Satan, et à ce moment se prosternent devant lui les mécréants. Je dis, « Ô prophète d'Allah, parle-moi des ablutions. » Il dit, « Nul d'entre vous n'apporte l'eau de ses ablutions. Ne se rince la bouche, fait le madmada. N'aspire de l'eau par le nez, puis la rejette, l'istinshaq et l'istinthar, sans que ses péchés ne tombent de son visage, de sa bouche et de son nez. Puis il ne se lave pas le visage comme Allah le lui a ordonné, sans que les péchés de son visage ne tombent avec l'eau qui coule de l'extrémité de sa barbe. » De même, il ne se lave pas les bras jusqu'au coude sans que les péchés commis par ses mains ne tombent du bout de ses doigts avec l'eau. Il ne passe pas ses mains mouillées sur la tête sans que les péchés de sa tête ne tombent de l'extrémité de ses cheveux avec l'eau. Et il ne se lave pas les pieds jusqu'aux chevilles sans que les péchés de ses pieds ne tombent du bout de ses orteils avec l'eau. Puis il ne se tient pas en prière, louant Allah Ta'ala et le glorifiant comme il le mérite, le cœur entièrement consacré à lui, sans que ses péchés ne tombent. Il devient alors aussi pur qu'à sa naissance. Lorsque Amr ibn Abasa rapporta ce hadith à Abu Umama, le compagnon du messager d'Allah, ce dernier lui dit « Ô Amr ibn Abasa, es-tu sûr de ce que tu avances? On obtient tout cela en une seule fois ?» Amr répondit « Ô Abu Umama, j'ai vieilli, mes os sont devenus fragiles et ma fin est proche. Quel besoin aurais-je à mentir sur Allah Ta'ala ou sur le messager d'Allah? Si je ne l'avais entendu de sa bouche qu'une, deux, trois, il alla jusqu'à sept fois, je ne l'aurais jamais rapporté, mais je l'ai entendu bien plus de fois que cela. » Muslim. 439. Selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque Allah Ta'ala veut accorder sa miséricorde à une nation, il prend l'âme de son prophète avant de la faire disparaître pour que ce dernier la devance et la précède auprès d'Allah. Par contre, lorsqu'il veut la ruine d'une nation, il la châtie et la fait périr du vivant de son prophète pour qu'il se réjouisse de l'anéantissement de ceux qui l'ont traité de menteur et lui ont désobéi. Muslim. 440.